say, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, rappelle ça, le blaze d'un fils de prolétaire. Yeah. Depuis des lus, c'est le trajet d'une musique populaire. Yeah. À base de rimes, cache, noirci d'un stylo trash. Le stylo thèse, les stylo thèse d'un monarchie, ton crash. Quantité neuve, les voix de keuf dans les propos. Ok, ok. Toujours le seum, y'a pas de veuve dans les gros mots. Ok, ok. Ça fait 20 piges que l'on se plaint dans nos morceaux. Ok, ok. Ça me fout des rides de voir les leads de FMK. Ok, ok. C'est noirci. Quand des avions tapaient des tours, sentant le clash qui s'apprêtait depuis des jours. Prendre parti sans prendre peur, on a tous fait le même chemin. Quitte à partir sans les honneurs, on a dressé le poids. C'est ça la force, elle qui nous pousse dans nos actions. Pas celle en bourse, mais bien la bourse de nos actions. Yeah. Le son se donne depuis que sonne la rébellion. Yeah. Oh, ils sont bien mort, qui les a pas. De hip-hop et rock, tant de bloc en rap, dans cette époque de malade. Mais y'a tant de haine et de colère, de gens dans la galère, viens pas de plainte si ça dérape. Mais y'a tant de hip-hop et rap, tant de bloc en rap, dans cette époque de malade. Mais y'a tant de haine et de colère, de gens dans la galère, viens pas de plainte si ça dérape. Rater des faux à la Kerry, dans des lyrics à la Clara, tapoter sur un Ipery. J'aurai la carte d'un Gandhi, un rappeur avec un grand drap, où la parole n'est pas de trop. Et quand on vient l'amour, à la fois j'aurai la paix. En moi y'a la haine, un doigt, j'aurai le cœur ouvert en perte quand ils dormiront sous un toit. J'aurai le flow qui ne vient plus, qui ne connaît plus la plume, qui est certain que la rue ne traîne pas sur le bitume. J'aurai la prose de Rousseau pour la cause d'un mouffeau et la dose d'un pédo pour qu'il me pose comme une rose sur laquelle on va chier pour filer de l'arthrose et qui t'impose. J'aurais aimé gratter un disque, mes tympans explosent. Mais c'est comme dire un muet de gratter une prose. J'aurais donné le foulard à ces femmes qui sont perdues et donné l'espoir à les autres qui sont battus. Tant de hip-hop et rap, tant de bloc en rap, dans ces époques de malade. Mais y'a tant de haine et de colère, de gens dans la galère, viens pas te plaindre si ça dérape. Mais y'a tant de hip-hop et rap, tant de bloc en rap, dans cette époque de malade. Mais y'a tant de haine et de colère, de gens dans la galère, viens pas te plaindre si ça dérape. They say, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,